en 2013. Il y a trop de trucs bizarres qui se passent. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Je mange plus depuis que j'ai vu que c'est nous que tes salades fist. Mélange pas torchon et serviette, islam et salafiste. Un Galaxy ou iPhone peut devenir le mobile du crime. J'ai toujours un œil au Judas, c'est le leitmotiv du Christ. Oups, je te parle depuis tout à l'heure, mais je t'ai pas dit qui je suis. Si t'as kiffé 6 mesures, écoute les 10 qui suivent. Je vois que des aiguilles défilent, mais je suis pas une machine à coudre. Quand certains merdes, ça ne fuit pas, mais perso, j'imagine ta couche. Taf pour des clous, ces marteaux veulent t'enfoncer grave. Ils parlent pas de pédo et de pseudo, sachant que dans le fond, c'est crade. T'es naze, tu fais le comique, alors que tes fans sont cadres à rire. Riche en rime, mais n'en parle pas, ça ferait venir les Qataris. La femme de d'habitude tes gosses ne fais pas le ganaï. Faut que t'analyses, tu peux crever lors d'une balade à East. Petit si je parlais pas, maintenant que j'ai grandi je gueule. J'ai joué le jeu pourtant dealer, joue pas à Candy Crush. Que se passe-t-il, c'est pas Broski qui vise le massif suisse. Sérieux fais pas tweeter tes gosses vu qu'il y a des gars qui te suivent. Mais qu'est-ce qui se passe, wow. J'ai pas le goût de la fête. Mais comment rester droit quand ils font tout de travers? Que se passe-t-il, ils parlent d'homo mais ont tous fini les civets. Comme Amazon je t'envoie des trucs mais sans le sourire dessiné. Mais qu'est-ce qui se passe, wow. J'ai pas le goût de la fête, mais comment rester droit quand ils font tout de travers? Que se passe-t-il, les prix flambent, tu cherches le Duster pas la Porsche. C'est chaud, des militaires prennent des coups de cutter à la gorge. À ta toffe, tu veux que je dis j'aime? Là, je sais pas. Ça devient la mode comme dire, tfou, nal, chétan. Je sais pas pourquoi tu me cuisines, y'a pas de quoi en faire tout un plat. Red Bull ne me donne pas d'elle, mais aucun doute que ça plane. Une fois la date passée d'un jour, on jette des tanettes, j'ai honte. Quand les haïtiens te disent que les galettes de terre, c'est bon. Question qui a dit, cette pub d'Anon, je pose à poil. Et si je veux pas laisser ma place, c'est pas que je me prends pour Rosa Parks. On partage la NSA, surveille tes toffes et tes statues. Depuis le temps que je suis tête en l'air, j'avoue là je suis trop près de Saturne. Dans la bulle pour pas mourir bête, les idiots testent tout. Trop distant, faut des années-lumière pour que tes textes touchent. Pas de tout, je suis pas dans le coup si j'ai pas de la veine, vois-tu. Pour eux l'électro c'est du rap depuis l'affaire Fintus. Que se passe-t-il, c'est pas Broski qui vise le massif suisse. Sérieux fais pas tweeter tes gosses vu qu'il y a des gars qui te suivent. Mais qu'est-ce qui se passe, wow. J'ai pas le goût de la fête, mais comment rester droit quand ils font tout de travers? Que se passe-t-il, ils parlent d'homo mais ont tous fini les civets. Comme Amazon, je t'envoie des trucs mais sans le sourire dessiné. Mais qu'est-ce qui se passe, wow. J'ai pas le goût de la fête, mais comment rester droit quand ils font tout de travers? Avoir le passif d'un Derrick, j't'avouerai, c'est pas terrible. J'ai tellement écrit dans le portable que c'est devenu un Blackberry. C'est sans abri et rhum, et là j'parle pas d'alcool. Sois pas stupide, ça sort du beat comme Jeff Panaclock. J'suis pas d'accord, Fiona s'efface quand les ultras débordent. Quand t'as pas thune, on te voit plus, c'est la burqa des pauvres. À cette époque, on crée des liens, mais je pense qu'à me détacher. Cherche la porte WC si t'as des textes à chier. Un ex leucémique qu'on achève, le JNR tabasse à mort. Et en moins de 3 minutes, ça chauffe comme dans ta passe, ta box. Y'aura pas de focus sur moi, sauf si une forte m'écrase. À l'édifice, j'pose pas ma pierre, mais le rocher des monégasques. Les pervers se cassent aux Philippines, mais pas pour voir Billy Crawford. J'aime pas le décor, ça parle d'écho, et moi j'deviens d'amidophobe. Ils disent tout fort, les basanés sont bons qu'à bazarder de la sape. La Siri tue, j'parle pas d'iPhone, mais de celle de page, arrêt la SAD. Que se passe-t-il, c'est pas Broski qui vise le massif suisse. Sérieux, fais pas tweeter tes gosses vu qu'il y a des gars qui te suivent. Mais qu'est-ce qui se passe, wow. J'ai pas le goût de la fête, mais comment rester droit quand ils font tout de travers? Que se passe-t-il, ils parlent d'homo mais ont tous fini les civets. Comme Amazon, je t'envoie des trucs mais sans le sourire dessiné. Mais qu'est-ce qui se passe, wow. J'ai pas le goût de la fête, mais comment rester droit quand ils font tout de travers? Que se passe-t-il, c'est pas Broski qui vise le massif suisse. Sérieux, fais pas tweeter tes gosses vu qu'il y a des gars qui te suivent. Mais qu'est-ce qui se passe, wow. J'ai pas le goût de la fête, mais comment rester droit quand ils font tout de travers? Que se passe-t-il, ils parlent d'homo mais ont tous fini les civets. Comme Amazon, je t'envoie des trucs mais sans le sourire dessiné. Mais qu'est-ce qui se passe, wow. J'ai pas le goût de la fête, mais comment rester droit quand ils font tout de travers? Que se passe-t-il, c'est pas Broski qui vise le massif suisse. Sérieux, fais pas tweeter tes gosses vu qu'il y a des gars qui te suivent. Mais qu'est-ce qui se passe, wow. J'ai pas le goût de la fête, mais comment rester droit quand ils font tout de travers? Que se passe-t-il, ils parlent d'homo mais ont tous fini les civets. Comme Amazon, je t'envoie des trucs mais sans le sourire dessiné. Mais qu'est-ce qui se passe, wow. J'ai pas le goût de la fête, mais comment rester droit quand ils font tout de travers? Que se passe-t-il, c'est pas Broski qui vise le massif suisse. Sérieux, fais pas tweeter tes gosses vu qu'il y a des gars qui te suivent. Mais qu'est-ce qui se passe, wow. J'ai pas le goût de la fête, mais comment rester droit quand ils font tout de travers? Que se passe-t-il, ils parlent d'homo mais ont tous fini les civets. Comme Amazon, je t'envoie des trucs mais sans le sourire dessiné. Mais qu'est-ce qui se passe, wow. J'ai pas le goût de la fête, mais comment rester droit quand ils font tout de travers?